de nos jours. C'est vrai, y'a plus de respect. On vit nos vies, puis on risque chaque jour d'y rester. Ok, le sionneur. Trop de soucis dans ma tête, toutes les nuits je dors peu. J'ai pas trouvé de message dans les Christophe bleus. Et quand la def m'appelle, je place mon cesse. Je me pète la tête, même quand je sais pas ce qu'on fait. Le soir ça rappe dans les rues, l'hiver tard. Bienvenue sur terre, là c'est l'universal. Y'a rien à faire, j'ai la maladie de la haine. Je préfère me taire quand les parasites s'amènent. La roue tourne mais c'est pas dans le bon sens. On a pris le temps de m'expliquer mais j'avais pas le temps de comprendre. Le sionneur, les gens changent, sort de là ça me saoule. De nos jours, même les anges portent la cagoule. Je reste méfiant comme un dealer de gousse. Passe des nuits à rapper jusque 6 heures debout. Je resterai toujours le même mon ami. Je pourrais jamais pardonner pour toute la haine qu'on m'a mis. C'est facile d'appuyer sur la détente, mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est plus difficile. Alors qui c'est le vrai dur dans l'histoire? Eh ben je vais te le dire, c'est l'ouvrier. J'ai rien d'or sur ma page, mais des versets, des couplets grand nature. Je rappe gratuit pour le moment, j'écris sans la thune. Et grâce aux potes, je survis quand je déprime dans l'abus. Pour le moment, moi je suis ce petit ouais qui vit dans la rue. De nos jours, y'a que les vrais qui savent. Y'a plus qu'immerge qui rappe, c'est véritable. Sous des 10 packs, y'a mes frères qui lâchent. Ça sort du cœur, ah ouais, donc ça reste inestimable. Je te sors des trucs de malade, des choses inexplicables. Pour le moment, je confonds bonheur, drame et tragédie. J'ai pris le microphone pour pouvoir écraser le beat. J'suis dans mon trip à mort, comme un dieu qui en manque. Immerge le sillonneur, qu'aussi c'est le hit du moment. Voulez du son, du bon vin, on vous le ramène. C'est la def, à chaque fois bah, que je bouge à Liège. Faut pas qu'on se trompe de texte, moi j'ai des tonnes de rêves. Pour le moment, j'ai le sang froid comme un bonhomme de neige. Comme un bonhomme de neige. De nos jours, de nos jours. Y'a personne pour m'aider quand j'suis dans la merde. De nos jours, de nos jours. La plupart des jeunes ont plus que le rap dans la tête. De nos jours, de nos jours. Nique sa mère la technologie. De nos jours, de nos jours. C'est training, troué, casquette, crocodile. De nos jours, tu peux compter les querelles. Le rap part en couille, je viens remonter ses bretelles. C'est serein, la Belgique, et tu peux voir de tout. Des toxos, des taspés, des yeux noirs de goût. Par chez nous, ça s'embrouille pour un bout de biscuit. Atmosphère électrique, y'a un court-circuit. De nos jours, c'est Aya Bacardi. Et on survit comme Baya Bacari. Époque de fou, donc j'savoure mon gobelet. J'connais Perse qui vit d'amour et d'eau fraîche. Monter les watts au maxi, voilà mon télégramme. Ça part en zob et c'est l'heure de régler ça, hein. J'rappe en cola, passe en collal. Marche en vocal avec l'accent local. De nos jours, on court tous sans savoir que la vie c'est un coup de boule dans l'arcade. Coup de boule dans l'arcade. De nos jours, y'a personne pour m'aider quand j'suis dans la merde. De nos jours, de nos jours. La plupart des jeunes ont